À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le comité préparatoire slovène pour célébrer la journée du soleil et la journée de la brillante étoile a inséré dans son homepage d'internet l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire Juche, en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti. Alors que le comité préparatoire africain pour célébrer le jour de naissance de son excellence Monsieur le grand généralissime Kim Jong-il a présenté dans son homepage les œuvres classiques du dirigeant suprême Kim Jong-un, faisant honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Sun-gun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents hauts faits en la matière, et accélérant la victoire finale par l'offensive idéologique révolutionnaire.